بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. حياكم الله. Donc nous allons poursuivre l'explication du livre intitulé « Les trois fondements », livre écrit par le grand savant Cheikhul Islam Muhammad Ibn Abdel Wahhab Rahimahullah Rahmatan Wasi'a, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc on s'était arrêté à la parole de l'auteur lorsqu'il dit « Al-Aslu Thani » معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. Donc l'auteur il dit, le deuxième fondement est la connaissance de la religion de l'islam au moyen des preuves. Or l'islam, c'est la soumission à Allah par l'unicité, la sujétion en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et ses adeptes. Donc l'auteur, après nous avoir expliqué dans le premier fondement la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ici la connaissance de l'islam au moyen des preuves. Et concernant l'islam, il faut tout d'abord savoir que l'islam se divise en deux catégories. La première des catégories, c'est ce qu'on appelle l'islam ou l'âm. C'est ce qu'on appelle l'islam général. Et la deuxième catégorie, c'est l'islam al-khas, l'islam particulier. Et donc dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois ce qui est voulu par l'islam, c'est l'islam général. Comme dans le verset 19 par exemple de sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Il dit, selon la traduction rapprochée, la religion agréée d'Allah est l'islam. Et l'islam général, c'est la religion de l'ensemble des prophètes. Tous les prophètes étaient musulmans d'un islam général. Et des fois dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est voulu par l'islam, c'est l'islam particulier. Comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad dans son Mousnad. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, toute personne de cette communauté, tout juif, tout chrétien qui entend parler de moi sans croire en ce quoi j'ai été envoyé fera partie des gens de l'enfer. Donc ce hadith nous montre clairement qu'après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde est dans l'obligation de le suivre. Tout le monde est obligé de suivre cet islam, qui est l'islam particulier, ce qu'on appelle l'islam al-khas. Et ce hadith, il est très clair. Il n'a pas besoin d'explication. Il est très étonnant, ikhwani fillah, qu'à notre époque, certaines personnes, qu'Allah nous guide et les guide, viennent affirmer que certains juifs et certains chrétiens actuels peuvent rentrer au paradis, tout en blâmant ceux qui ont la conviction qu'ils vont aller en enfer. Et le comble, c'est qu'ils vont avancer un argument qui n'a strictement rien à voir avec le sujet. Ils vont te dire, par exemple, que si Allah nous a permis d'épouser ces gens, c'est-à-dire si Allah subhanahu wa ta'ala a permis à un musulman d'épouser une chrétienne ou d'épouser une juive, c'est qu'il ne les considère pas tous comme des koufars. Et que pour lui, donc c'est la suite de sa parole, et que pour lui, juif, chrétien, musulman, à la base, c'est la même religion. Et que c'est seulement les lois qui ont différé. Allahu Akbar. Et ceci montre ce genre de paroles, ce genre d'arguments et ce genre de procédés montrent leur ignorance flagrante et leur incompétence notoire dans la compréhension des textes. Et ceci, ikhwani fillah, est un fondement de notre religion. Toute personne qui meurt en n'ayant pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam sera parmi les gens de l'enfer. Et quiconque prétend que les juifs et les chrétiens actuels iront au paradis en restant sur leur religion, ceci est un annulatif de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et prenez garde, ikhwani fillah, à ces égarés égareurs qui veulent faire douter les musulmans dans leurs croyances. Prenez garde, ikhwani fillah, à ceux qu'on appelle aujourd'hui moufakkir islami, penseurs islamiques, ou bien qu'on appelle spécialistes en théologie et autres appellations de la sorte. Car l'islam, ikhwani fillah, n'a pas besoin de moufakkir. L'islam n'a pas besoin de penseurs. Et à la base, nous ne connaissons même pas ce genre d'appellation. Ce qu'on connaît, walillah alhamd, c'est alim, talib, mudarris. Ce qu'on connaît, les appellations que nous connaissons, c'est savant, élève, professeur, et non pas penseur ou spécialiste en théologie. Wallahu al-musta'an. Donc l'auteur, il dit: Le deuxième fondement est la connaissance de la religion de l'islam au moyen des preuves. Or, l'islam, c'est la soumission à Allah par l'unicité, la sujétion en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et ses adeptes. Ici, l'auteur, Cheikhul Islam Mohammed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, nous donne la définition de l'islam général. Et il nous dit donc que c'est la soumission à Allah par l'unicité, la sujétion en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et ses adeptes. Et concernant le désaveu du polythéisme et de ses adeptes, ceci est un point très important. Car certains parmi les musulmans disent ne pas aimer les polythéistes, ou plutôt disent ne pas aimer le polythéisme. Et ils disent s'en désavouer. Par contre, ils ne se désavouent pas des polythéistes. Ils n'ont aucun problème dans le fait de dire que les mécréants sont nos frères, ou bien dans le fait de marier leurs filles à des mécréants. Et ceci est contradictoire, car le shirk, ikhwani fillah, n'est pas venu tout seul, mais ce sont plutôt les polythéistes qui font du shirk. Il est donc obligatoire pour le musulman de se désavouer du polythéisme et de se désavouer de ses adeptes. Et parmi les choses, ikhwani fillah, qui rentrent dans ce sujet, il y a faire la hijra. Car si le musulman émigre en terre d'islam, il aura plus de facilité, incha'Allah, à se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Car dans les pays musulmans, les mécréants sont en minorité. L'islam est apparent, au contraire des pays de mécréance, où les mécréants sont majoritaires et la mécréance est apparente. Il sera donc difficile pour le musulman de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes comme il se doit. Et il se peut que la mécréance devienne pour lui monnaie courante, de telle sorte qu'il n'y prête même plus attention. C'est pour cela, ikhwani fillah, et j'insiste sur ce point, que celui qui veut parfaire son désaveu du polythéisme et de ses adeptes, qu'il fasse la hijra. Qu'il fasse la hijra et qu'il émigre vers les terres d'islam. Et pour nous montrer l'importance du désaveu, Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets, l'a fait passer devant la foi en lui. Il dit par exemple dans sourate Al-Baqarah: "Wa man yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa." Il dit selon la traduction: "Quiconque mécroit au tagut et croit en Allah, saisit l'anse la plus ferme." Ensuite, l'auteur par la suite, il nous dit de plus: la religion comporte 3 degrés. Donc lorsque l'auteur il nous dit de plus la religion comporte 3 degrés, ici ce qui est voulu par le mot religion, c'est l'islam particulier. C'est l'islam particulier, la religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit par la suite: de plus, la religion comporte 3 degrés, à savoir l'islam, l'iman et l'ihsan. Et chacun de ces degrés est bâti sur des piliers. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, et que Mohammed et son messager accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et effectuer le pèlerinage à la maison sacrée. Donc ici l'auteur nous informe que cette religion avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu comporte 3 degrés. Comme cela est venu dans certains hadiths, notamment dans le hadith de Jibril, le hadith qui est connu. Et il nous dit par la suite, rahimahullah, que chacun de ces degrés est bâti sur des piliers. Puis il a mentionné les piliers de l'islam, qui sont au nombre de 5. Et ces piliers ne sont pas tout l'islam, mais ce sont plutôt les piliers sur lesquels l'islam est fondé, comme cela a été mentionné dans certains hadiths, notamment dans le hadith de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est fondé sur 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison et le jeûne du mois de Ramadan. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et concernant les deux attestations, quiconque ne les prononce pas, alors qu'il en a la capacité, il n'est pas musulman, et ceci à l'unanimité des savants. Celui qui ne prononce pas est shahadaté, les deux attestations, alors qu'il en a la capacité, il n'est pas musulman, et il n'y a pas de divergence concernant ce sujet. À propos de la prière, celui qui la délaisse, car il renie son obligation, les savants sont unanimes que ceci est de la mécréance. Une personne qui ne fait pas la prière, qu'est-ce qui le pousse à délaisser la prière? Pour lui, la prière n'est pas obligatoire. Il renie le caractère obligatoire de la prière. Le concernant, les savants sont unanimes que ceci est de la mécréance. Et ceci est valable pour l'ensemble des piliers. Pour l'ensemble des piliers. Celui qui ne jeûne pas, car il renie le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan, ceci est de la mécréance. Celui qui ne donne pas la zakat, car il renie le caractère obligatoire de la zakat, ceci est considéré comme de la mécréance, et ceci est valable pour l'ensemble des piliers. Par contre, les savants ont divergé concernant celui qui délaisse la prière par paresse. Il reconnaît le caractère obligatoire de la prière, mais il la délaisse par paresse, comme c'est le cas de certains musulmans. Certains sont d'avis qu'il est mécréant, tandis que d'autres sont d'avis qu'il reste musulman. Ensuite, l'auteur, il nous dit par la suite: فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc la preuve au sujet de l'attestation réside dans la parole d'Allah. Selon la traduction, Allah atteste ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration à part lui, de mainteneur de la justice, point de divinité en droit d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Ensuite, il dit le sens de cette attestation est qu'il n'y a point de divinité véritable si ce n'est Allah jusqu'à la fin de sa parole. Donc ici, l'auteur, rahimahullah, il nous mentionne le sens de la ilaha illallah. Et il est certes très important que le musulman connaisse le sens de cette belle parole. Et avant de mentionner son sens exact, nous allons évoquer plusieurs mauvaises explications qui sont répandues à notre époque concernant cette parole. Certains, par exemple, vont te dire que le sens de la ilaha illallah est qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah et qu'il n'y a pas de pourvoyeur en dehors d'Allah. Et par cette parole, ils ont donc restreint la ilaha illallah à l'unicité de la seigneurie. Et donc, selon eux, tant que la personne croit qu'Allah seul peut créer et qu'il est le seul à donner la vie et à donner la mort, cette personne ne peut pas sortir de l'islam, même si elle voue ses adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il considère celui qui sacrifie pour autre qu'Allah ou qui invoque les morts comme croyant. Car cette personne n'a pas dans sa croyance qu'il y a un créateur avec Allah ou qu'il y a un pourvoyeur avec Allah. Et c'est pour cette raison aussi que lorsque tu conseilles certaines personnes de délaisser le shirk, ils ne prêtent pas attention à ton conseil. Car pour eux, tant que le musulman reconnaît la seigneurie d'Allah, il reste musulman. Et sachez, ikhwani fillah, que la mauvaise compréhension de la ilaha illallah est la base de beaucoup de troubles. Il est donc très important d'apprendre son sens exact et de l'enseigner aux gens par la suite. Et pour réfuter cette ambiguïté, il nous suffit de dire la chose suivante. Si la ilaha illallah signifiait vraiment il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, les polythéistes de Quraysh auraient été musulmans. Car ils reconnaissaient cela. Ils reconnaissaient qu'il n'y avait pas de créateur en dehors d'Allah. Et ils reconnaissaient aussi que leurs idoles ne pouvaient ni créer et ni donner la subsistance. Et ceci est mentionné très clairement dans le Coran, dans de nombreux versets. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset 38 de Surat Az-Zumar, de Surat les groupes, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront, c'est Allah. Mais cette reconnaissance qu'ils avaient de leur seigneurie, la reconnaissance qu'ils avaient de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a servi à rien, car ils ont renié son adoration. Ils ont renié l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 5 de Surat Sad, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Réduira-t-il toutes nos divinités en une seule? Cela est certes une chose très étonnante. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés à dire la ilaha illallah, et il leur disait Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shi'un ujab. Réduira-t-il toutes nos divinités en une seule? Cela est certes une chose très étonnante. Délaisser toutes ces divinités, Allat, Manat, Hubal, Al-Uzza, etc. Délaisser toutes ces divinités et vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit non, ils n'ont pas accepté cela. Ils n'ont pas accepté cela et ils ont refusé. Et leur reconnaissance de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui crée, qui donne la vie, qui fait descendre la pluie, ne leur a servi à rien du tout. Et donc on peut réfuter ces gens-là avec cet argument. Malgré que les koufars de Quraysh, ils reconnaissaient la seigneurie, Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'eux que ce sont des mécréants. Et donc le simple fait de reconnaître la seigneurie n'est pas suffisant. Et ceci est une grave erreur de restreindre la ilaha illallah à l'unicité de la seigneurie. Et parmi ceux qui vont dire ce genre de paroles, nous avons la secte qu'on appelle les soufis. D'accord ? Ils mentionnent, certains d'entre eux mentionnent ce genre de tefsir, ce genre d'explication de la ilaha illallah. C'est pour cela que tu trouves que certains d'entre eux n'ont aucun mal à sacrifier un animal pour autre qu'Allah, invoquer les pieux, invoquer les awliya, etc. D'autres personnes, parmi les gens de l'innovation, ont dit que la ilaha illallah signifie il n'y a pas de juge en dehors d'Allah. Et le premier à avoir dit cette parole est un homme qui s'appelle Abul A'la al-Mawdoudi. Abul A'la al-Mawdoudi. Et certains de nos mashaykh au Yémen, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à ceux d'entre eux qui sont décédés et préserve ceux qui sont encore vivants, certains d'entre eux disaient de cette personne, Abul A'la al-Mawdoudi, qu'il s'est égaré et trompé dans de nombreux sujets. Et parmi les sujets dans lesquels il s'est trompé, il y a le choix de sa kunya. Il y a le choix de sa kunya. Car sa kunya, c'est Abul A'la. Et il est interdit de prendre comme kunya un nom d'Allah. Et Al-A'la, qu'on traduit par le très haut en français, est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate Al-A'la. Sourate le très haut. Et donc cet homme, Abul A'la Al-Mawdoudi, il donna un jour une conférence dans laquelle il expliqua que le sens de « La ilaha illallah » était « La hakima illallah ». Il n'y a pas de juge en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette conférence fut traduite dans de nombreuses langues. Parmi ces langues, la langue arabe. Puis cette conférence est arrivée entre les mains des Ikhwan al-Muslimin, des frères musulmans en Égypte. Notamment entre les mains d'un dénommé Sid Qutb, donc qui fait partie des têtes des frères musulmans. Et il a rendu cette explication célèbre. Il a rendu cette explication célèbre que la ilaha illallah voulait dire et signifier la hakima illallah, il n'y a pas de juge en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour réfuter cette explication, il nous suffit tout simplement de regarder dans le Coran. Est-ce que les prophètes sont venus avec cela? Est-ce qu'ils disaient à leur peuple cette chose? La réponse est non. Mais plutôt, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, dans de nombreux versets, les prophètes ont dit à leur peuple, « Ya qawmi abudullah » Ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Et donc, ils ne sont pas venus et ont dit à leur peuple que il n'y a pas de juge en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce que les prophètes ont dit à leur peuple? Ya qawmi abudullah, ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adorez Allah. Donc ici on parle d'adoration. Adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Et l'éminent savant, Al-Sheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhahullah, il dit dans son livre intitulé Al-Irshad que tous les prophètes, ils ont commencé leur appel par cette parole. Tous les prophètes, ils ont commencé leur appel par Ya qawmi abudullah, ma lakum min ilahin ghayru. Ils ont commencé leur appel par ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Donc après avoir mentionné ce que disent certaines personnes de l'innovation concernant le sens de la ilaha illallah, nous allons mentionner donc le vrai sens de la ilaha illallah. Donc l'auteur il nous dit le sens de cette attestation est qu'il n'y a point de divinité véritable si ce n'est Allah. Ainsi, il n'y a point de divinité la ilaha ni la légitimité de tout être adoré autre qu'Allah. Et si ce n'est Allah, illallah affirme l'unicité d'Allah, l'unique et sans associé dans son adoration, de la même façon qu'il n'a pas d'associé dans la création. Donc là, ici, l'auteur, il nous mentionne le sens de la ilaha illallah. Et il nous dit que son sens est qu'il n'y a point de divinité véritable si ce n'est Allah. Ou bien on peut dire, il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, ici, on parle de vouer toutes ses adorations pour Allah et de renier la légitimité de tout être adoré autre qu'Allah. Et la ilaha illallah, cette parole est composée de deux piliers. Le premier pilier, en arabe, on appelle ça al-nafiyu. Et le deuxième pilier, on appelle ça al-ithbat. On appelle ça al-ithbat. Le premier, c'est la négation. Et c'est la ilah. Donc la ilah, comme l'auteur il a mentionné, c'est la négation. Et ensuite, on a le deuxième pilier qui est l'affirmation. Illallah. Et donc, le premier pilier, la négation, donc c'est le fait de nier la légitimité de tout être adoré autre qu'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tu as la conviction qu'il ne mérite pas l'adoration. Tu as la conviction qu'il ne mérite pas l'adoration. D'accord ? Et tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais faites attention. Mais faites attention. Car lorsqu'on dit, on se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il faut faire très attention à cette parole. Car si cette personne est adorée en dehors d'Allah et que cette personne veut cette adoration, comme certaines personnes qui appelle les gens à les adorer, alors tu te désavoues de sa personne et tu te désavoues de son adoration. Donc tu te désavoues de deux choses. Lorsque la personne, d'accord, est d'accord avec cette adoration, lorsqu'elle appelle ces gens, d'accord, à son adoration, lorsqu'elle appelle les gens à son adoration. Donc tu te désavoues de sa personne et tu te désavoues de son adoration. Par contre, en ce qui concerne les pieux, en ce qui concerne les prophètes et aussi les anges, tu ne dois te désavouer que de leur adoration, mais tu ne te désavoues pas de leur propre personne. Car il est certes interdit de se désavouer des prophètes et des anges et des pieux, mais par contre, tu te désavoues de leur adoration. Car même s'ils ont un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne méritent pas l'adoration. Car l'adoration est un droit unique, un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid al-qahar. Et donc, tu te désavoues de leur adoration. Donc ça, c'est la ilah, la négation. Tu nies la légitimité de tout être adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Si cet être qui est adoré en dehors d'Allah veut cette adoration, appelle et satisfait de cette adoration, alors tu te désavoues. Tu te désavoues de cette personne et tu te désavoues de son adoration. Par contre, si c'est des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, comme les prophètes, comme les malaïka, comme les anges, comme les pieux, etc., alors tu te désavoues seulement de leur adoration. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ifbat. Il y a ce qu'on appelle l'affirmation. Donc après avoir fait la négation, tu affirmes que seul Allah mérite l'adoration. Seul Allah, subhanahu wa ta'ala, mérite l'adoration sans associer. Il mérite l'adoration sans associer. Donc toi, tu affirmes l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'a pas d'associé dans son adoration. Et ceci est le sens de la ilaha illallah. Ceci est le sens que tout musulman doit connaître et doit mettre en pratique. Et donc il est très important, ikhwani fillah, qu'on connaisse ce sens, puis qu'on l'apprenne aux gens de notre famille, qui vont eux aussi par la suite apprendre, l'apprendre à leurs proches, etc. Et c'est comme ça que le bien va se répandre. Et c'est ça la voie des gens de la sunna. Apprendre le tawhid, ensuite le propager. L'homme, par exemple, il apprend le tawhid, alhamdoulillah, il met en pratique le tawhid, ensuite il l'enseigne à son épouse, et il l'enseigne aussi à ses enfants, puis ensuite il l'enseigne à ses proches, et donc son épouse, elle va l'enseigner à d'autres sœurs, qui vont encore l'enseigner à d'autres sœurs. Et lorsque tu vas enseigner le tawhid à tes proches, ils vont aussi l'enseigner à d'autres proches. Et c'est comme ça que le bien va se répandre. C'est comme cela que le bien va se répandre. Et c'est comme ça qu'on va travailler et on va œuvrer pour la réforme de cette communauté. Mais ne fais pas partie de la réforme, ikhwani fillah, les manifestations ou ce genre de choses, car ceci n'amène rien de bon. Ou bien, comme le pensent certains faibles d'esprit, parmi certaines sectes telles que les Khawarij et les Mu'tazila, ou ceux qui ont suivi leurs pas et ces voies égarées de sortir et de se rebeller contre le gouverneur, ceci n'a jamais ramené du bien. Et donc, il faut plutôt propager le tawhid. Il faut plutôt propager le tawhid et enseigner aux gens le tawhid et leur interdire aussi le shirk et leur montrer qu'est-ce que c'est le shirk. Car il ne suffit pas, comme certains prêcheurs peuvent le faire parmi les gens du faux. Ils vont et ils te disent par exemple, il ne faut pas faire du shirk. Tayyib, qu'est-ce que c'est le shirk? Quand tu dis à quelqu'un, il ne faut pas faire du shirk, il va te dire d'accord, mais il ne sait pas ce que c'est le shirk. Cet homme est comparable à un père de famille qui dit à son fils, « Oh mon fils, ne vole pas. Le vol, c'est haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les voleurs. » Et c'est même possible que ce père de famille mentionne certains versets du Coran et mentionne certains hadiths de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre l'interdiction du vol. Mais ce père de famille n'a pas appris à son enfant qu'est-ce que le vol, les types de vol, etc. Donc cet enfant rentre dans un magasin. Il trouve certains mouchers riboun, certains fauteurs de troubles. Et un d'entre eux lui dit, prends cette marchandise, mets-la dans ta poche, et ensuite, sors du magasin, abshir, ne t'inquiète pas, je vais payer. Et l'enfant, il s'exécute. Lorsqu'il s'exécute, la personne, le commerçant, il attrape cet enfant. Il lui dit, tu as volé, où est ton père? Il appelle son père, il lui dit, viens, ton fils a volé. Et il vient. Le père, très en colère, gronde son enfant et lui dit, ne t'ai-je pas dit que le vol est interdit? Ya Abdallah. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui a dit, Nam, ya Abati. Oui, ô mon père, tu m'as certes interdit le vol, mais tu ne m'as pas dit qu'est-ce que le vol. Et donc lui, lorsque le vol, on lui a proposé cette chose, on lui a proposé de voler, il ne savait pas qu'est-ce que le vol et il est tombé dans le vol. C'est pour ça que lorsque vous voyez beaucoup de gens de l'innovation, tels que les frères musulmans appelés au tawhid, ils vont te dire il faut le tawhid, c'est important. Naam. Ils vont te dire il ne faut pas faire du shirk. Naam. Mais ils ne vont pas forcément expliquer aux gens qu'est-ce que le shirk. Ils ne vont pas forcément expliquer aux gens qu'est-ce que le tawhid. Car il est possible que la personne comprenne le tawhid à sa manière. Il est possible aussi que la personne comprenne le shirk à sa manière. Certains, par exemple, qui adorent les tombes, nas'alullah al-afiyata wa salama, selon eux, le shirk, c'est le fait de croire et d'avoir la conviction que autre qu'Allah crée, que autre qu'Allah donne la vie, que autre qu'Allah donne la mort. Donc si tu fais une khutbah dans leur mosquée et que tu dis ne faites pas du shirk, ils vont te dire, Alhamdulillah, moi je ne fais pas du shirk. Pourtant, tous les vendredis, il va dans un mausolée et par exemple, il sacrifie, par exemple, un poulet. Ou tous les jeudis, par exemple, son épouse va devant le mausolée et va faire quoi, par exemple? Va invoquer la personne qui est enterrée dans ce mausolée. Mais pourtant, tu lui as dit ne pas faire de shirk. Et ceci n'est pas la tariqa des gens de la sunna. La tariqa des gens de la sunna, c'est qu'ils appellent au tawhid en détail. Et ils mettent en garde contre le shirk en détail. Et ceci est la tariqa des gens de la sunna. Pourquoi, à votre avis, les gens de la sunna étudient Kitab al-Tawhid? Car Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Ahab, dans ce livre béni, il a mentionné beaucoup de masail, de sujets dans le Tawhid. Et il a détaillé ces sujets-là. Et il a mentionné les preuves à cela. C'est pour ça que les gens de la sunna ont toujours donné beaucoup d'importance à ce genre de livre. Et c'est comme ça, Ikhwani fillah, que cette communauté va se réformer. Cette communauté ne va pas se réformer en écrivant certaines choses contre le gouverneur sur Instagram ou sur Facebook. Ça ne va pas réformer la communauté. Tu veux réformer la communauté, Yahri? Tu veux réformer la communauté, Yaourtil Karima? Apprends le tawhid. Apprends le tawhid. Apprends les trois fondements par cœur. Apprends les trois fondements par cœur. Comme ça, alhamdoulillah, tu as des adillah, tu as des preuves. Et aussi, tu étudies ce livre. Tu fais pareil pour les quatre règles, al-qawaid al-arba. Tu fais pareil pour nawaqid al-islam, les annulatifs de l'islam. Ensuite, tu étudies l'usul sitta. Et ensuite, après, tu étudies kitab al-tawhid. Et si tu l'apprends par cœur, Alhamdulillah, c'est un khir. Si tu réussis à l'apprendre par cœur, Alhamdulillah, c'est un khir. Certains parmi nos chouyoukh au Yémen, ils disaient, celui qui apprend Kitab al-Tawhid, ça va, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala, être un da'i nafir. Ça va être un prêcheur profitable. Car, par exemple, il va venir dans une mosquée, il va faire une khutbah ou un rappel sur le sihr, il a appris tous les versets, Alhamdulillah. قال الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم et il envoie. Alhamdulillah. Et c'est comme ça qu'on va réformer la communauté. Et après avoir appris, Alhamdulillah, ensuite, tu mets en pratique. Et c'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a commencé par quoi? On a vu ça dans l'introduction. Al-ilm. Ensuite, al-amalu bihi. La mise en pratique. Car comme les savants l'ont mentionné, al-ilmu bila amal, ka shajaratin bila thimar. Donc après, alhamdulillah, avoir appris le tawhid, et tu apprendras toute ta vie le tawhid, Tu mets en pratique le tawhid. Par la suite, tu appelles les gens au tawhid. Tu appelles les gens au tawhid. Et si tu fais ça, ya Abdallah, tu suivras et tu auras suivi par cela la voie des messagers. La voie des messagers qui ont appelé toute leur vie au tawhid. Aujourd'hui, on fait peut-être deux ou trois cours dans le tawhid comme ça par semaine. Certains, ils sont déjà fatigués. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a mentionné la da'wa de certains prophètes. Parmi ces prophètes-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné la da'wa du prophète Nuh alayhi salam. Et Nuh alayhi salam, il est resté à faire da'wa à son peuple 950 ans. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans sourate Al-Ankabut, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Nous avons envoyé Nuh à son peuple et il est resté parmi eux 950 ans. Taïb, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que le prophète Nuh, alayhi salam, il est resté 950 ans. Taïb, qu'est-ce qu'il a fait ces 950 ans? Nuh, alayhi salam, il les a appelés au tawhid. Il les a appelés au tawhid. Et la preuve de cela, c'est ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous mentionne dans le début de sourate Nuh. Il dit, Azza wa Jal, قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est-à-dire Nuh, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon peuple n'a fait qu'accroître leur éloignement. Chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils se sont mis les doigts dans les oreilles et se sont enveloppés dans leurs vêtements en persistant dans la mécréance et en refusant orgueilleusement la vérité. Qu'est-ce que Nuh il a fait? Est-ce que, alayhi salam, il s'est arrêté là? Il dit par la suite, selon le sens, je les ai appelés publiquement, m'adressant parfois à eux, à voix haute, et d'autres fois secrètement. Ça, c'est la da'wa des NBA. Ça, c'est la da'wa des NBA. Et malgré tout ça, il est fort probable que si tu suis cette voie, peu de gens vont te suivre. Et c'est ce qui s'est passé pour le prophète Nuh, alayhi salam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné ça dans le Coran. C'est comme si toi qui appelles au tawhid, toi qui as appris le tawhid et qui appelles au tawhid et qui va par la suite peut-être voir que les gens ne répondent pas beaucoup à ton appel, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala te réconforte en te disant wa ma amana ma'ahu illa qalil. Et il y a peu de gens qui ont cru avec lui. Il y a peu de gens qui ont cru avec Nuh, alayhi salam. Faya ibad Allah, at-tawhid. Apprenons le tawhid et restons sur cette voie-là jusqu'à notre mort. Et nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous faciliter dans cela. Naam.